Tiré du recueil « Les femmes des autres » de Georges Courteline, le fils. « Moi, dit Triel, quand son tour fut venu, ce ne fut pas avec le mari que j'ai changé des coups d'épée, mais bel et bien avec le fils, un polisson de 18 ans, que j'avais connu embourrelé, que j'avais tenu sur mes genoux et bourré de sucre d'orge dans le palais royal. Ah, ce fut une drôle d'histoire, à peine vraisemblable, ma foi. Je venais de rompre avec la mère, là d'une existence de querelle et de perpétuelle chamaillerie, et je soufflais encore des rintements comme un cheval qui a fourni une trop longue course, quand l'enfant me tomba à son tour sur les bras, trouvant sans doute que le droit au repos ne m'était pas suffisamment acquis par 16 années de purgatoire. Il n'y eut qu'un cri. 16 années ? Triel sourit. Mon Dieu, oui, 16 années. Cette petite plaisanterie n'avait pas duré, moi. Ah, ça, mais, demanda Fabrice, tu l'avais donc connue en nourrice, cette femme ? Non, reprit-il, pas tout à fait, mais enfin, je sortais de collège. J'avais 18 ans, j'en ai 35 aujourd'hui. Or, 18 et 16 font 34. Voyez que c'est encore récent. Ah, j'ai eu le temps d'en voir de grises. 16 ans, ce n'est pas un jour, ça. Il faut y avoir passé soi-même pour bien savoir ce qu'une liaison de cette trempe vous réserve de désillusions, de découragement et de tristesse. J'ai eu mes bonnes heures, parbleu, mais la vie est tellement absurde qu'à peine connaissons-nous des joies qu'elle nous donne, autre chose que le regret de ne les avoir plus. Tel que vous me voyez, mes enfants, j'ai eu ma bonne part de douleur. Allez, je vous floque mon billet que j'ai bu le calice et payé de sacrés échos à cette sainte misère, patronne de la vie, qui se fait souhaiter sa fête si souvent. Ah, nom d'un chien, s'il me fallait repasser par les mêmes épreuves d'où je sors, mais vous verriez si je serais lent à en finir. Garçon, donnez-nous des bocs. Il y eut un instant de silence. On demanda, « Tu as été très malheureux ?»« Excessivement malheureux, » dit-il, avec le plus grand calme. « Pourquoi est-ce qu'elle te trompait ?» Un dédaigneux haussement d'épaule fut sa réponse. « Est-ce que tu as senti qu'elle ne t'aimait pas ?» Il regarda fixement dans les yeux, comme s'il eût regardé un fou, celui qui posait cette question. Puis brusquement, « Elle ? » s'exclama-t-il. « Elle ne m'aimait pas ?» Mais mon cher, le malheur m'aurait jeté dans la boue à l'autre extrémité du monde, qu'elle serait venue m'y chercher sur les genoux. J'ai été aimé par cette femme comme jamais plus je ne serais aimé. Comme personne, personne, entendez bien, ne pourrait se vanter de l'avoir été plus. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours la même histoire, la même fatalité imbécile de la vie, contre laquelle il n'y a pas à se débattre. Nous avons tous passé par là. Si je vous disais que cette femme, dont j'ai reçu toutes les preuves de l'amour le plus tendre, le plus pur, le plus ingénu, dont j'ai épuisé tous les dévouements et toutes les abnégations, qui m'eût sacrifié son fils comme elle m'eût sacrifié son sang, si je le lui avais demandé, je l'ai traité de fille, je l'ai traité de catin, je l'ai jeté au nez les noms les plus ignobles, encore bien étonné seulement, de n'avoir jamais tapé dessus. Ah, quand la vie se met à être bête, elle l'est bien. Il ricanait. Un mauvais rire sonnant le faux, où l'on sentait un tas de vieilles rancunes mal éteintes. Il continua. Oh, au début, ce fut un tout plaisir. En avance sur moins de 6 ans, elle m'aima comme aiment les femmes plus âgées, de cet amour désordonné et fou, où il y a de tout à la fois, de la maman et de la grande sœur. Moi, c'est plus simple encore, je m'étais donné à elle, et vous savez si les gamins savent se donner. Je vivais d'elle, par elle, pour elle. J'aurais déjeuné de ses sourires, et dîné de l'odeur de ses gants. Nous nous étions accrochés, l'un à l'autre, car je chercherais vainement une expression plus juste, moi à elle, avec tout l'essor d'une complète virginité d'âme, elle à moi, avec tout l'élan désespéré d'une femme aimante, mal mariée, qui a commencé par se croire perdue et a pleuré pendant 4 ans la triste déception de ses rêves. Et nous allâmes ainsi devant nous, côte à côte, marchant dans une planète à part, superbement dégagée de tout ce qui n'était pas nous, sous l'œil éperdument confiant du mari, une espèce de buteur grossier, mais pas méchant. Ce fut le meilleur temps de ma vie. Là-dessus, la guerre arriva, avec elle la nouvelle lugubre des premiers revers, et tout de suite, dans la hâte effroyable de la catastrophe, l'affolement des Parisiens fuyant devant le blocus de leur ville, comme devant la petite vérole ou le choléra. Du jour au lendemain, les gares débordèrent, les trains se succédèrent sans relâche, emportant au bout du pays des régiments de poltrons empilés. Moi, une pensée épouvantable m'était venue. Oh mon Dieu ! Est-ce qu'ils vont s'en aller, eux aussi ? Ils s'en allèrent. Non pas que le mari fût un lâche. Le personnage, pour être pauvre homme, n'avait pas besoin de cette honte. Mais enfin, il y avait l'enfant, un petit être malportant, chétif, que les misères du siège eussent tué, et qu'il fallait mettre à couvert. Ils partirent donc. J'étais l'ami de la maison, je dus les mener jusqu'au train et les installer dans le wagon, avec un souhait et un sourire. J'eus ce courage. Où le puisais-je ? Je n'en sais rien, mais cependant, j'eus ce courage dont le souvenir me donne aujourd'hui le vertige. Il est vrai qu'une fois à l'air, je n'eus que le temps de prendre mon mouchoir et d'y mordre de toutes mes forces pour ne pas éclater en sanglots dans la rue. Je passai toute la nuit dehors, battant les quais sous la pluie, transi de froid, voyant les flammes des becs de gaz s'allonger à travers mes larmes, n'osant rentrer par crainte de retrouver chez moi cet arrière-parfum de femme élégante que chacune de ses visites y laissait. Je restai ainsi deux journées dans ce désespoir fou d'enfant auquel on a pris sa maîtresse, sans seulement une âme amie à qui confier mon chagrin, une épaule où pleurer à l'aise, car j'avais à tel point la religion de mon amour que j'eusse vu comme un sacrilège en trahir le mystère. Le troisième jour, je reçus une lettre qu'elle avait trouvé le temps de m'écrire en cachette, quatre pages hâtives, désolées, sans un point, sans une virgule, saignantes, comme une plaie à vif. Le lendemain, j'en reçus une seconde, le surlendemain une troisième, et ainsi, chaque jour de la semaine, jusqu'au jour où je ne reçus plus rien. Les messages n'arrivant plus, et je me trouvais alors dans la situation du mineur sur qui l'éboulement s'est fait et dont la lampe vient de s'éteindre. J'abrège. Le blocus s'acheva, puis ce fut les affaires de la commune. Les fusillades dans les rues, est-ce que je sais ? En tout 8 mois, 8 mois épouvantables, pendant lesquels j'avais vécu comme une brute, dans une inconsolable douleur et dans une chasteté farouche, sans même savoir si elle était morte ou vivante. Les balles des Prussiens n'avaient pas voulu de moi. Une charité qui me laisse froid, du reste. À la fin, cependant, l'apaisement se fit, les fuyards entrèrent en masse, la bouche pleine de reproches et de larmoiements, et moi, je me remis à espérer un peu, courant de chez moi chez eux et de chez eux chez moi. Et comme ça toute la journée, sans autre résultat que de m'aller buter le nez contre des persiennes externellement closes. Dire que j'ai fait ce manège-là 200 fois, c'est me mettre au-dessous de la vérité. Cette torture prit fin pourtant. Un matin, on sonna chez moi. J'allais ouvrir. C'était elle. Je ne la reconnus d'abord pas à cause de son épaisse voilette et aussi de la déshabitude de la voir qui m'était naturellement venue. Puis je sentis mon sang qui m'affluait au cœur. J'eus tout juste assez de force et de voix pour lui dire « Entre !» Elle entra. Je poussai la porte derrière elle et nous restâmes là, face à face, nous regardant éperdument dans le demi-jour du corridor, ne songeant même pas à nous embrasser. Et brusquement, sans que nous ayons compris comment cela s'était fait, nous trouvâmes aux bras l'un de l'autre, les lèvres collées, pleurant à chaudes larmes, avec des sanglots convulsifs, où tenait tout l'excès de nos misères passées. Je l'entraînai, elle tomba assise sur mes genoux, prise tout entière dans mon étreinte. J'en eus pour 10 bonnes minutes avant seulement que de songer à lui demander comment elle se portait. À peine d'ailleurs eus-je le temps de la voir, car elle s'était échappée de chez elle, sous je ne sais quel mauvais prétexte. Et en effet, je m'aperçus qu'elle était venue sans rien sur elle, les mains nues, avec un méchant chapeau de rien du tout, en petite femme de ménage qui va faire ses provisions. Je lui dis « C'est bon, va, sauve-toi. » Et je la gardai sur moi, cependant, tout à l'éblouissement de l'avoir reconquise, de retrouver après tant de temps ses petites pattes, sa coiffure en chien fou et son sourire de parisienne spirituelle. Elle revint le lendemain, puis je reçus du mari une lettre m'annonçant leur retour à tous deux. Et peu à peu, nous reprîmes l'ancien train de vie elle toujours folle, audacieuse, se compromettant à plaisir avec ce toupet infernal des femmes qui se savent intelligentes, et que l'épaisse lourdeur d'un mari imbécile n'est pas faite pour démonter. Elle eut alors des bravades insensées, des hardiesses inouïes, qui me coupaient bras et jambes, comme de me donner des rendez-vous à 4 heures de l'après-midi à la terrasse du Café de la Paix, de monter avec moi en voiture découverte, de se montrer à mon bras au théâtre des Champs-Élysées, n'importe où. Je me laissais faire, entraîner, étourdi, me laissant moi-même gagner par cette assurance insolente et à laquelle l'événement venait toujours donner raison. Quelquefois, je disais, « Tu es folle, nom d'un chien. Avec tes manières de te moquer du monde, tu finiras par nous faire pincer. » Mais elle avait un « bah » qui répondait à tout, avec un petit rire de défi, porté à l'humanité tout entière. Et de fait, pendant plus de 2 ans, nous avons promené notre amour au soleil, d'un bout à l'autre de Paris, sans que jamais ni elle ni moi nous ayons rencontré un chat. Il n'y a que les gens en faute pour avoir des chances pareilles. Et au surplus, que pouvais-je répondre à une femme qui courait de gaieté de cœur le risque de se perdre, jouer sa réputation et peut-être sa vie pour le seul plaisir de se donner davantage? Pauvre petite, je lui dois bien les plus grandes douleurs de ma vie, mais aussi les heures les plus douces. Et en somme, toute la question est de savoir si nous devons garder plus de rancune aux femmes du mal qu'elles nous auront fait, ou plus de reconnaissance des joies qu'elles nous auront procurées. Un beau jour, le mari mourut. J'accueillis avec toute la satisfaction imaginable la disparition d'un monsieur peu intéressant par lui-même et dont je ne vous cacherai pas que j'étais sourdement jaloux. C'était cependant le plus grand malheur qui pût frapper notre amour, et si je n'en soupçonnais rien sur le moment, je n'en acquis plus tard qu'une preuve plus évidente. Oh, le mari, le précieux mari, le personnage indispensable à la solidité des liaisons adultères, le monsieur qui vous gêne, vous irrite, vous assomme, l'empêcheur de danser en rond, qui fait rater vos rendez-vous, se met dans vos jambes, vous barre le passage, et avec ça entretient chez l'amant le désir toujours frais de la femme, par cela qu'il le contrarie et en modère les élans d'une main guidée par la prudence même. Hélas, comme je tardais peu à reconnaître l'impérieuse utilité de ce serviteur méconnu. Car comme de juste, une fois débarrassé de lui, nous n'eûmes plus qu'une idée en tête, nous débarrasser de l'enfant qui commençait à avoir ses 7 ans et dont les grands yeux clairs, fixés parfois sur nous, avec d'étranges inquiétudes, ne laissaient pas que de nous gêner singulièrement. Le parti fut donc pris, très vite. En 15 jours, la mère lui bâtit son trousseau, tandis que je courais moi-même tous les environs de Paris à la recherche d'un pensionnat propre, que je finis par dépister entre Sannois et Argenteuil. Et où le gamin entra, séance tenante, les poches bourrées de pâtisseries. Et alors, nous demeurâmes seuls, dans un seul à seul absolu, et qui eut d'abord pour effet de donner une recrudescence à notre amour. Nous nous aimâmes et nous nous prîmes, comme si jamais entre nous ne nous étions eus, et comme si les 4 ans de liaison que nous avions derrière nos talons n'eussent été pour nous que de longues fiançailles. L'idée d'une possession complète à laquelle ne venait plus se mêler cette vision odieuse du partage qui tant de fois m'avait poursuivi et hanté, m'avait jeté dans une sorte d'affolement, dans un paroxysme de désir insatiable qu'il me semblait que jamais rien ne pourrait éteindre, et qu'elle, d'ailleurs, en pleine floraison de sa maturité ardente, laissait s'ébattre tout à l'aise. Elle approchait la trentaine, restée mince et élégante, avec quelques cheveux blancs précoces, et possédant au suprême degré cette coquetterie irritante des Parisiennes de pure race. Je n'ai jamais connu l'appareil pour savoir sauter du lit et mettre ses bas le matin, et aussi bien cela l'une des plus grosses raisons qui font que je ne lui en veux pas, après tout le mal qu'elle m'a fait. Au fond, voyez-vous, mes enfants, on pardonne toujours tout aux femmes, hormis d'avoir les jambes maigres entre les hanches et les jarretières. Cependant, il fallait bien que cette petite fête eût une fin, et elle eut une fin en effet, phénomène qui, naturellement, ne s'accomplit pas du jour au lendemain, mais qui, au bout du compte, s'accomplit tout de même. Ça commença par des bêtises, de vagues agacements, que d'abord je pris plutôt pour des agaceries, de ces attaques anodines qui ne sont rien et qui ne méritent même pas la peine d'une remarque. Il y a des heures où les femmes ne sont pas à prendre avec des pincettes, particularité qui échappe quelquefois, et pendant un assez long temps, aux amants des femmes mariées. Parce que ces heures-là, en fine mouche qu'elles sont, c'est au mari qu'elle les réserve. D'ailleurs, vu la façon dont elle se terminait, ces petites piques insignifiantes n'avaient rien que de très supportable. Je les acceptais volontiers, jusqu'au moment où, commençant à m'étonner de leur fréquence, je harponnais ma coupable au passage, l'assis de force sur mon genou et lui demandais entre quatre yeux « Ah ça, qu'est-ce que tu as, voyons? Tu deviens impossible depuis quelque temps. » Elle dit « Qui ça, moi ? En voilà une idée. » Je ne sais pas ce que tu veux dire, seulement. Très bien, répondis-je. Dès l'instant que tu ne sais pas ce que je veux te dire, voilà la question tranchée. Laissons cela et n'en parlons plus. Et en effet, nous n'en parlâmes plus. Car pendant toute la quinzaine qui suivit, elle fut plus chatte et plus charmante que jamais, avec de ses câlinineries mièvres, qui faisaient d'elle le plus exquis et le plus adorable petit être qu'il soit possible de rêver. Justement, les premiers jours étaient venus, en sorte que nous nous donnions des indigestions de campagne, partant le matin au soin du lit, pour ne rentrer chez nous que par le dernier train, éreintés d'avoir canoté ou couru toute la journée comme des enfants. Ce fut une période charmante qui se prolongea tant qu'il fit beau. Puis, peu à peu, les impatiences, un moment dissipées, reparurent. Les besoins de gronderie pour des riens, pour un objet changé de place, ou pour une cigarette éteinte demeurée par mégarde sur un angle de la cheminée. Tout cela d'ailleurs n'était pas grave pour deux sous, et j'eusse cru une absurdité d'attacher la moindre importance à de petites mauvaises humeurs momentanées qui s'en allaient comme elles étaient venues, avec un mot ou une caresse. Je ne songeais à m'émouvoir réellement que quand elle commença à ne plus rendre le baiser, à se laisser embrasser comme par complaisance, avec une bouderie rancunière de femme blessée. Je ne dis rien encore, pourtant, la connaissant pour nerveuse en diable, redoutant avec raison le danger d'une première querelle, et me bornant à hausser les épaules à chaque avertissement nouveau d'une transformation de plus en plus évidente et à laquelle, bon gré mal gré, je m'obstinais à ne pas vouloir croire. Et je me creusais la tête à m'efforcer de comprendre, me demandant « Mais qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce que c'est ?» Ce n'était pourtant pas malin à deviner. C'était purement et simplement le caractère impossible de la femme que la passion rassasiée à demi n'était plus de force à dompter et qui reparaissait lentement, comme reparaît la trame sous une étoffe qui s'use. Vous n'avez pas la prétention, n'est-ce pas, de m'aller faire résumer en 20 mots le travail de 12 années et vous analyser ici, phrase par phrase, la lente décomposition de cet amour, pétri de larmes, de joie, d'extase, de sanglots. Cela procéda par nuances insensibles, par gratuation insaisissable. Ce fut d'abord la période du monsieur, qui flairant une querelle dans l'air, et voulant la paix à tout prix, use, l'un après l'autre, tous les écheveaux de patience dont la providence l'a pourvu, serre les mâchoires, ricane en dedans, oppose toute sa volonté et toute sa force à l'énervement qui le gagne peu à peu, tandis qu'elle, de son côté, visiblement exaspérée, affine les pointes de ses attaques, devient ironique et amère, fait de l'esprit, se venge bruyamment sur les meubles. Ce fut ensuite la période plus aiguë du monsieur qui bondit subitement de sa chaise, saute sur son chapeau, s'élance dans l'escalier, va prendre un boc, deux bocs, trois bocs, le temps que ses nerfs se détendent. Puis la période plus grave encore, du monsieur que la rage a gagné, avant qu'il n'ait eu le loisir de gagner lui-même la porte, et qui se met enfin de la partie. Successivement, je disparus ainsi une heure, puis deux heures, puis trois heures, puis toute la journée, puis la nuit. Ah, par exemple, cette fois, la leçon, un peu raide, porta. Je me rappelle que le lendemain, quand je me décidai enfin à revenir, elle était rendue à la porte avant même que ma clé eût fait le tour du pêne. « D'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle avait le visage retourné, avec les yeux mangés de larmes. J'eus un haussement d'épaule. « D'où veux-tu que je vienne ? J'ai couché chez moi, parbleu. » Elle répondit simplement « Ah, et elle resta une grande minute à me regarder dans les yeux avec une fixité inquiète. Ce fut tout. Pendant quelques jours, elle fut souple, douce, charmante. Elle retrouva ses anciennes douceurs et ses gamineries enjouées des premiers temps. Malheureusement, ça ne dura pas. Et un mois ne s'était pas achevé que nous en étions revenus au point de départ. Nous continuâmes ainsi des mois et des années, menant de front nos amours et nos querelles, dans un continuel ballottement du gris au rose et du rose au gris, nous prenant le matin aux cheveux pour nous en aller dîner le soir dans quelques cabarets de banlieue d'où nous revenions à la nuit, amoureusement enlacés comme des amoureux de Schiller. 36 fois nous avions tâté de la rupture et toujours je ne sais quelle force nous avait ramenés l'un à l'autre. J'essayais de tout. J'eus des absences de 15 jours, au bout desquelles le premier lassé de nous arrivait le matin chez l'autre avec un sourire ou une alarme qui scellait le bail d'une nouvelle réconciliation. Je la trompais, je pris des maîtresses, que je flanquais régulièrement à la porte à la fin de la première semaine. Une fois, je songeais à me marier, et elle dit tranquillement « Pourquoi faire? Tu seras ici 15 jours après. » Et c'était parfaitement exact. J'y eus été 15 jours après. Il semblait que la fatalité nous avait rivés l'un à l'autre, en même temps qu'en nous donnant à tous les deux une nature à peu près identique, elle nous animait mutuellement de la force de deux aimants qui se repoussent. Notez qu'elle m'eût tout sacrifié, comme je vous le disais tout à l'heure, et que si j'en eusse besoin, elle eût volé du pain pour moi. Seulement, elle me l'eût flanqué à la figure. C'était comme un besoin chez elle, une nécessité absolue, impérieuse, inexorable, de me chercher des discussions à propos de tout et de rien. Un mouvement perpétuel de nerfs, quoi. Un parole d'honneur, j'en suis à me demander si je ne lui eusse pas rendu un peu service en lui flanquant des calottes. Quelquefois, aux heures d'accalmie, je la prenais doucement sur mes genoux, une main autour de la taille, comme on fait d'un bébé auquel on montre à lire, et je lui faisais de la morale, des représentations très sages, très sensées, qu'elle écoutait avec une gravité extrême, avec un petit air pénitent et contrit de pensionnaire à confesse, en suivant au bout de son pied le mouvement balancé de sa pantoufle. Elle disait « Oui, je sais bien, je ne suis pas toujours très commode, mais qu'est-ce que tu veux, ça n'est pas de ma faute, il faut me garder comme je suis. Ça ne m'empêche pas de t'aimer bien tout ça. » Elle n'avait pas pour 2 liards de méchanceté au fond. Une fois, elle me dit « Vois-tu, mon pauvre chat, ce n'est pas bien drôle pour toi, mais il faut t'en prendre ton parti. Essaye de rompre si tu veux. C'est un courage qui, au dernier moment, finira toujours par te faire défaut. Il y a trop de larmes entre nous. Nous n'en sortirons jamais. » Elle se trompait. Nous en sortîmes. Nous en sortîmes parce que le jour vint où j'en eus tout de même assez. Déjà, à 20 reprises différentes, je lui avais envoyé sous forme de billets laconiques et à la suite de scènes violentes, le sceau définitif de notre rupture. Mais une fois arriva, enfin, qui fut la bonne, je disparus. Un mois tout entier s'écoula, sans qu'elle ni moi nous nous donnâmes signe de vie, après quoi je reçus une lettre enfantine, écrite en style de cérémonie, dans laquelle elle m'appelait monsieur, et m'assurait de toute sa considération, en me priant de passer chez elle pour y recevoir un avis de la plus haute gravité. Je remis le billet sous son enveloppe et l'envoyai retrouver ses semblables au fond du tiroir aux souvenirs où ils dormaient tous sommement, côte à côte, comme les 7 frères du petit poussé. 3 jours après, ce fut elle-même qui vint. Je fis dire que j'étais absent et je m'abstins de sortir avant la nuit tombée, ce qui me valut une nouvelle lettre, sincère celle-là, où il était parlé de 36 choses à la fois, de tort mutuel, de désespoir, d'isolement, toujours sans point et sans virgule. Je fus troublé. Je vis le moment où j'allais faiblir une fois de plus, d'autant que, sitôt éloigné d'elle, les mauvais souvenirs s'effaçaient pour ne me plus laisser que la vision mélancolique des bonnes heures qu'elle ne me donnerait plus. Je réfléchis. J'eus ma petite tempête sous un crâne. Je fis battre l'un contre l'autre le peu de bon sens que j'avais et cette sentimentalité absurde de collégien dont je n'ai jamais pu me dépêtrer. Bref, je pris l'énergique parti de m'éloigner et d'aller mettre ma faiblesse en sûreté de l'autre côté de la montagne. Et c'est alors que je me sauvai en Italie, où je demeurai tout l'hiver et une partie du printemps qui suivit. Quand je revins, c'était fini, et bien fini. Je le compris à la froideur indifférente avec laquelle je parcourus l'une après l'autre les nombreuses lettres qu'elle n'avait cessé de m'adresser pendant le temps de mon absence et que je trouvais à mon retour accumulées sur ma table de travail. Je me sentis définitivement dégagé d'elle, arraché enfin à ses mains entre lesquelles j'avais laissé le meilleur de mon existence, à la domination de cette charmeuse étrange qui ne me paraissait déjà plus que, comme nous apparaît encore, le souvenir doux et un peu vague des morts que nous avons aimés. Le temps passa, les jours et les semaines croulèrent sans que j'entendisse plus parler d'elle. Un jour que je travaillais seul, mon domestique vint entr'ouvrir ma porte et m'annoncer un nom qui me fit tressaillir. Ce nom, c'était celui du fils. Je donnai l'ordre de faire entrer et j'allai au-devant du jeune homme en lui tendant une main qu'il parut ne pas voir. C'était un garçon pâle et frêle, portant à peine ses 18 ans, et en qui je retrouvai tout de suite l'image vivante de la mère à l'époque où je l'avais connue. L'expression singulière de ses traits me frappa, en même temps que l'air de grande gêne avec lequel il se présentait. Et la première idée qui me vint fut qu'il venait me demander un service sans savoir par quel bout s'y prendre. Je lui dis « Assieds-toi, mon cher, t'es gentil d'être venu. » Puis, comme il demeurait debout, « Voyons, repris-je, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un air solennel. Je parie que tu as fait des bêtises. Tu t'es fait nettoyer aux cartes, n'est-ce pas? Et tu viens t'adresser à moi pour que je te tire d'affaire. Eh ben, tu as bien fait, parbleu. Combien te faut-il? 15 louis, 20 louis, quoi ?» Mais il m'interrompit d'un geste. « Non, oh non, merci, ce n'est pas cela. » Je continuai. « Quoi alors? C'est une femme. Parle, il ne faut pas te gêner avec moi. » Cette fois encore, il eut un hochement de tête. Je commençais à m'étonner, je le regardais fixement. À la fin, il se décida, s'assit, et la tête baissée, avec un regard qui fuyait le mien. « Monsieur, me dit-il, je viens accomplir auprès de vous une démarche qui, peut-être, vous paraîtra bizarre, devant laquelle moi-même j'ai hésité longtemps, mais que je crois cependant de mon devoir de ne pas retarder davantage. C'est de ma mère qu'il s'agit. » Étonné de cette conclusion inattendue, je m'inclinai sans répondre, et j'attendis avec le plus vif intérêt la fin de ce petit discours, évidemment préparé dans la rue. Il continua d'une voix demi-éteinte, et que son émotion visible secouait de hoquet par instant. Tour à tour, il rappela sa toute jeune enfance, la mort de son père, et tout de suite, son entrée précipitée dans le pensionnat du Sannois, où il devait rester 10 ans, reclus et presque abandonné, dans une mélancolie que les temps des vacances et les visites de la mère égayaient de rares coups de soleil, tout un poème d'enfance sensible et délaissé, que je connaissais aussi bien que lui. J'écoutais toujours, silencieux, intrigué, me demandant où diable il voulait en venir, ouvrant des yeux de plus en plus larges, à mesure qu'il entrait plus avant dans le récit, se montrait grand garçon déjà, et parlait des rêveries étranges qui l'obsédaient pendant le silence et le recueillement des heures d'études. Brusquement, il s'interrompit, étouffa dans sa main un léger accès de toux, puis reprit de sa même voix blanche. Quand enfin les études achevées, je pus rentrer à la maison, la première chose qui me frappa fut le changement considérable survenu en quelques mois de temps, aussi bien sur le visage même que dans le caractère de ma mère. Lors de mon dernier congé, je l'avais quittée gaie, jolie, presque jeune femme. Je la retrouvais presque vieille, les tempes blanches, avec une expression de tristesse qui me donna une secousse au cœur, car j'ai toujours eu pour ma mère une véritable adoration. Deux ou trois fois, je la surpris à pleurer. Je l'interrogeai anxieusement, je n'obtins d'elle que des réponses vagues et des sourires qui m'attristèrent plus encore que ne m'avaient attristé ses larmes. Alors la tête me travailla, je cherchais, je voulus une explication, et peu à peu, des rapprochements s'opérèrent, des coïncidences singulières, des détails déjà effacés à demi, où vous étiez mêlé, monsieur, vous, dont la présence s'accouplait à mes plus lointains souvenirs. en qui je n'avais jamais vu, jusqu'à ce jour, que l'ami le plus ancien et le plus cher de ma famille, et dont la subite disparition, rapprochée d'une douleur que rien ne m'expliquait, éveillait brusquement en moi une idée tellement atroce que mon premier mouvement fut de m'aller jeter en pleurant aux pieds de celle que mon soupçon avait flétrie. Il était devenu très pâle, les lèvres blanches comme de la cire, les paupières agitées d'un clignotement nerveux. Il continua cependant. « Ah, monsieur, si jamais un cauchemar abominable a hanté la pensée d'un homme et torturé sa fierté, c'est bien celui contre lequel je dus me débattre avec toute énergie de mon désespoir et sentir s'enfoncer plus cruellement en moi à chaque effort que je tentais pour le combattre, le terrasser, l'anéantir sous mes talons. Car j'eus le courage de le regarder en face à face et de lutter corps à corps avec lui. Hélas, épargnez-moi, monsieur, l'extrême douleur d'aller plus loin. Vous savez, aussi bien que moi-même, quel résultat devait atteindre toutes ces luttes et devant quelles évidences. Je devais enfin désarmer, anéanti, brisé par le plus effroyable chagrin que puisse frapper un honnête homme. Monsieur, je n'ai pas à disculper ma mère. C'est à vous que je laisse ce soin. Mais s'il ne m'appartient pas de vous demander ici compte de sa conduite, tout au moins puis-je vous demander compte de son bonheur. Et c'est pourquoi je viens vous sommer de me dire, dès l'instant que vous avez été l'amant de ma mère, pour quelle cause avez aujourd'hui cessé de l'être. Je vous disais en commençant que cette histoire était à peine vraisemblable. Le moment me paraît venu de le redire. Tout d'abord, je ne compris pas, démêlant péniblement au fond de ce fatras, tout à la fois touchant, maladroit et prétentieux, je ne sais quel héroïsme vague dont l'excessif me déroutait. Mais brusquement, je compris tout. Et alors je restais comme idiotisé, l'œil écarquillé, la bouche bée, devant le monstrueux dévouement de ce fils, étouffant toute la révolte de son orgueil pour reconquérir à sa mère l'amant parti qu'elle pleurait. Enfin, je me remis un peu, et doucement. « Mon cher enfant, lui dis-je, ton extrême jeunesse et aussi le bon sentiment qui te font agir, non seulement t'excuses, mais rendent presque admirable l'audace inouïe de ta démarche. Cependant, je t'interromprai immédiatement. Je n'ai jamais été l'amant de ta mère. Je t'en donne ma parole d'honneur. Je l'aime profondément, c'est vrai, parce que c'est une femme pleine d'esprit et de cœur, et dont j'ai pu, en mille occasions, apprécier le très grand mérite. Mais sois sûr que je n'ai jamais été pour elle que son ami, le plus sincère et le plus dévoué. » Alors il eut un petit sourire dont l'amertume me fit mal. « Oui, dit-il, simplement, je sais. Je m'attendais à cette réponse, la seule que votre compassion pût vous dicter. Mais vous pensez bien, n'est-ce pas, que je ne serais pas allé m'aventurer dans une démarche semblable sur la foi de pure supposition. Soyez tranquille. Si j'agis comme je le fais, c'est parce que je n'ai même plus, hélas, la triste consolation du doute. Dois-je vous montrer les lettres signées de vous que j'ai prises cette nuit à ma mère ? Je n'avais plus rien à répondre. Je dis « c'est bien » et je m'inclinai dans l'attente d'une conclusion. Lui garda un instant le silence, puis comme je persistais à me taire, « Eh bien, monsieur, fit-il, voici. Quand on a commis la malhonnêteté de déshonorer une femme de bien, on a du moins cette probité de ne pas faire son désespoir après avoir causé sa chute, et de ne pas l'abandonner lâchement dans son isolement et dans ses remords. Que vous a donc fait ma mère pour que vous la trahissiez ? Quel reproche pouvez-vous élever contre elle ? Qu'a-t-elle fait d'autre que de vous tout sacrifier, de vous aimer plus que tout, et mieux que tout ? Attenez, ce que vous faites là est indigne, c'est une mauvaise action dont vous aurez à vous repentir toute votre vie. » Une violente émotion le gagnait. Ces paroles tombaient de sa bouche par saccades, tandis que ses yeux, peu à peu, se gonflaient de larmes contenues. Et brusquement, il éclata en sanglots, criant « Ma mère est une honnête femme ! Ma mère est une honnête femme !» J'étais bouleversé, je m'exclamais « Et parbleu, je le sais bien que ta mère est une honnête femme !» Alors, fit-il subitement calmé, « Pourquoi agissez-vous ainsi, si ce n'est parce que vous-même, vous êtes malhonnête homme ?»« Ah, mais, m'écriai-je, pardon ?» Voici qui devient un peu raide. et vous êtes heureux de n'être qu'un enfant. Qu'est-ce que vous venez réclamer après tout ? Vous arrivez dans l'intention de me reprendre par la main et de me ramener repentant et contrit entre les bras de votre mère. En vérité, vous ne paraissez pas vous douter que si vous aviez seulement 2 ans de plus, votre conduite serait tout simplement odieuse. Eh bien, parfaitement, c'est vrai. J'ai été l'amant de votre mère et je l'ai été pendant 16 ans. En quoi je ne vous apprends rien, puisque vous avez poussé l'indiscrétion jusqu'à fouiller dans ses papiers. Et si aujourd'hui je ne le suis plus, c'est parce que j'ai, pour ne plus l'être, des raisons dont je suis seul juge, et dont vous devriez d'ailleurs être le dernier à vous mêler. En voilà, c'est la fin. Là-dessus, ne le voilà-t-il pas qui se lève et s'avance sur moi, la main haute ? Heureusement, je vis le mouvement, j'arrêtai le souffle au passage, et je saisis mon gamin au poignet, en me retenant à toute ma raison, pour ne pas lui tirer les oreilles d'importance. Il criait, « Oui, vous êtes un lâche, vous êtes un misérable et un malhonnête homme, et je vous souffletterai en pleine rue si vous refusez de vous battre avec moi. »« Ah, dis-je, alors c'est très bien, c'est un duel que vous voulez, à ce que je vois. Eh bien, mon cher, battons-nous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Et en effet, nous nous battîmes le surlendemain dans les bois de Montmorency. Ce fut une chose ridicule et à la fois presque tragique. Me voyez-vous en face de cet enfant à peine fait qui présentait à mon épée une poitrine et des bras de fillette ? Ah, je m'en souviendrai de cela, sacristie. Je tremblais comme une feuille au vent. Pensez donc, avec cette espèce d'enragé qui tapait à droite et à gauche et se fendait sur mon fer comme un fou. C'est un miracle si j'ai réussi à ne pas le tuer. Enfin, tout finit pour le mieux. Et je lui fis au doigt une piqûre qui mit fin à ce combat grotesque. Pauvre bon petit être, si je lui avais fait le moindre mal, je crois que je pleurerais encore. Fin.